إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du résumé de Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on commence aujourd'hui le chapitre numéro 43. Et c'est un chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi man lam yaqna' bil half billah. C'est-à-dire un chapitre au sujet de ce qui a été rapporté au sujet de la personne qui n'est pas convaincue ou qui n'est pas convaincu de la personne qui jure par Allah, qui n'est pas convaincu ou bien qui croit pas en la personne qui jure par Allah. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne à ce sujet-là le premier hadith. Il dit wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Donc le Cheikh il dit selon Ibn Omar رضي الله عنهما que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit ne jurez pas par vos pères et que celui qui jure celui qui jure par Allah qu'il soit véridique, hein, qu'il dise la vérité, et quiconque à qui on jure par Allah devant lui alors qu'il soit satisfait, et celui qui n'est pas satisfait alors il n'est pas d'Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de lui. C'est rapporté par Ibn Majah selon une sanad qui est hassan. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici maintenant le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, au sujet de ce chapitre? Il dit مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ان عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قله تعظيم الرب جل جلاله. C'est-à-dire l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans le Kitab Tawhid, c'est parce que la personne qui n'est pas satisfaite lorsque on jure par Allah, lorsqu'on lui jure quelque chose par Allah, eh bien ça c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la perfection du tawhid. Pourquoi? Parce que ça montre que la personne a peu de respect pour Allah, Ar-Rabb Jalla Jalaluhu. Et na'am, parce que s'il a du respect pour Allah, il va avoir du respect pour une parole qui a été mentionnée en jurant par Allah. Donc le Cheikh explique ensuite, il dit, en expliquant le hadith, en premier il explique le titre, Ma ja'a fi man ila akhirih, c'est-à-dire Ma ja'a fi man lam yaqna' bil half billah, ay min al wa'id. Donc qu'est-ce qui a été mentionné comme menace. Hein? فِيمَا لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلْفِ الْحَلْفِ الشيخ il dit هو القسم. هو القسم, c'est-à-dire le fait de faire un serment ou de jurer. C'est ça le, c'est ça الحَلْف. Et il mentionne ensuite donc l'explication du hadith rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لَا تَحْلِفُ بِأَبَائِكُمْ, c'est-à-dire ne jurez pas par vos pères. La tahlifu bi aba'ikum. Le cheikh explique: nahyun 'an al-qasam bil aba' li'annahu huwa al-ma'ruf 'indahum wa la mafhum lahu li taqaddum an-nahy 'an al-qasam bi ghayri Allah mutlaqan. Donc le cheikh il dit: ne jurez pas par vos pères. C'est une interdiction de jurer par nos, par, par nos pères ou par nos ancêtres. Parce que c'est quelque chose qui était connu à leur époque. Et on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent. On a parlé de l'interdiction de, hein, de ça dans le chapitre précédent et que ça fait partie du shirk asghar. Hein, comme dans la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Qu'on avait expliqué dans le chapitre précédent et aussi dans le hadith de Omar, hein, de Abdullah ibn Omar, que celui qui jure parole que Allah il a fait un kufr ou un shirk, ça on l'a mentionné déjà, donc c'est connu. Donc c'est interdit de jurer par Allah de façon de jurer par autre que Allah de façon générale, hein, donc ça comprend le fait de jurer par nos ancêtres. Et donc la raison pourquoi il mentionne par les pères, il spécifie par les pères et par les ancêtres, c'est parce que c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes à l'époque, qu'ils juraient par leurs pères ou par, la, par leurs parents. Comme maintenant chez les Occidentaux, on retrouve souvent la, l'habitude chez certains de dire je jure par... par exemple, sur la tête de ma mère, ou sur la tête de mon père, ou sur la tête de quelqu'un. Donc ça aussi, ça fait partie du shirk. Et c'est quelque chose qui est interdit. Hein? Le shaykh dit « فَلْيَسْدُقْ » C'est-à-dire, celui qui jure par Allah, parce qu'il dit « مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَسْدُقْ » فَلْيَسْدُقْ أي وُجُوبًا تَعْظِيمًا لِلْيَمِينِ بِاللَّهِ لِأَنَّ السِّدْقَ وَاجِبٌ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ بِاللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا حلف بالله ولو لم يحلف بالله فكيف اذا حلف بالله. Donc le cheikh explique que lorsqu'on jure par Allah, il, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors soyez véridique, lorsque vous jurez par Allah, alors soyez véridique. Le cheikh il dit ça c'est obligatoire de, d'être véridique lorsqu'on jure par Allah par respect pour le serment qu'on fait par Allah. Et on sait que de façon générale la véracité, le fait d'être véridique et de dire la vérité, c'est quelque chose qui est obligatoire, même si on ne jure pas par Allah. Alors, que dire de, hein, lorsqu'on est en train de jurer, hein, que dire alors dans ce cas-là, si on est en train de jurer? Donc, si on est en train de jurer, on doit être encore plus véridique, puisque d'être véridique, c'est obligatoire. En tout temps, de façon générale. Ensuite, le cheikh il dit فَلْيَرْضَى وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى أي وُجُوبًا تَعْظِيمًا لِلْيَمِينِ بِاللَّهِ وَهَذَا عَامٌ فِي الدَّعَوَى وَغَيْرِهَا. Donc le cheikh il dit alors celui qu'on a, à qui on jure par Allah, celui à qui on jure devant lui par Allah, alors qu'il soit satisfait, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour lui, par respect pour le serment qu'on fait par Allah, d'être satisfait de ce serment. Et ça, c'est de façon générale dans les réclamations, dans les prétentions ou autres. Et le cheikh il dit ensuite فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Hein? Et celui qui n'a pas été satisfait du serment qu'on lui a fait par Allah, alors il n'a rien à voir avec Allah dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué de lui, comme il dit hada wa'id, ça c'est une menace, ay faqad bari Allahu minhu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué de lui. Ma'na al-hadith ijmalan, donc la signification du hadith de façon générale, c'est le cheikh il dit yanha sallallahu alayhi wa sallam an al-half billah لأن الحلف تعظيم للمحلوف به تعظيم حق والتعظيم حق لله سبحانه ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده مطلقا فكيف إذا حلف أو فكيف إذا حلفوا بالله ويأمر صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين لأن ذلك من تعظيم الله ثم يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله لأن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله. Donc le cheikh il explique, il dit que le sens général de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'on jure par les parents ou par nos ancêtres. Parce que le fait de jurer, c'est quelque chose qui montre qu'on a du respect pour la personne par laquelle on jure ou la chose par laquelle on jure. Et ce respect-là, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à celui qui jure par Allah d'être véridique au sujet de la chose pour laquelle il a juré. Parce que le fait d'être véridique et de dire la vérité, c'est quelque chose que Allah a ordonné à ses serviteurs de façon générale. Alors, lorsque on jure par Allah, alors c'est encore plus important d'être véridique et encore plus obligatoire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à la personne à qui on jure par Allah dans une dispute ou autre, il lui ordonne d'être satisfait de ce serment. Parce que cela fait partie du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il explique ensuite la menace sévère au sujet de la personne qui n'a pas été satisfaite du serment qu'on lui a fait par Allah, parce que ça indique que la personne elle n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi al-wa'id al-shadid fi haqq man lam yaqna' bil-half billah. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dedans une menace sévère au sujet de la personne qui n'a pas été satisfaite de convaincue de celui qui a juré par Allah ou de la chose pour laquelle on a juré par Allah. وما يستفاد من الحديث واحد الأول يعني الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, la menace pour celui, la menace sévère au sujet de la personne qui n'a pas été satisfaite de la personne qui jure par Allah devant elle. Deuxièmement, وجوب الصدق في اليمين. Deuxièmement, l'obligation de la véracité, le fait d'être véridique lorsqu'on fait un serment. Thalifan, tahrim al-kadhib fi al-yamin. Donc troisièmement, l'interdiction du mensonge dans les serments. Lorsqu'on jure, c'est interdit de mentir. Quatrièmement, puis mentir, c'est interdit de façon générale. Donc si c'est lorsqu'on jure, c'est encore plus haram, hein, c'est encore plus un plus grand péché de mentir lorsqu'on jure. Quatrièmement, husnul dhann bil muslim ma lam yatabayyan khilafuhu. C'est-à-dire que il faut penser du bien du musulman tant qu'on n'a pas de preuve du contraire. Et cinquièmement, wujub tasdiq man halafa billah idha kana min ahli al-iman. Donc l'obligation de croire en la personne qui nous dit quelque chose en jurant par Allah lorsque cette personne-là fait partie des gens de la foi. C'est-à-dire qu'elle fait partie des gens qu'on connaît comme étant des gens qui sont pratiquants, qui sont des bons musulmans, qui font partie des gens de la foi. Tandis que si ce sont des gens qui sont connus comme étant des pécheurs ou des gens qui font des choses comme ça, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire de les croire puisque ce ne sont pas des gens qui sont fiables dans ce cas-là. Donc, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit dans son charh de Kitab al-Tawhid, al-Qawl al-Mufid, le charh de Kitab al-Tawhid, justement à ce chapitre, que si la personne qui jure par Allah devant nous, elle n'est pas tsiqa, alors dans ce cas-là, on n'est pas obligé de l'accepter. On peut refuser son serment. Le cheikh, il dit أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَالِفُ غَيْرُ ثِقَةً فَلَكَ أَنْ تَرْفُضْ الرِّضَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثِقَةً. Donc tu as le droit de refuser si la personne elle n'est pas fiable. Et il mentionne aussi que si quelqu'un jure devant toi par exemple et qu'il dit par Allah cette mallette est en bois alors que la mallette tu la vois puis elle est en cuir, alors tu as le droit dans ce cas-là de ne pas être satisfaite de cette personne parce que tu es certain que cette personne-là est en train de mentir. Et il dit que la religion, hein, la révélation ne nous ordonne pas quelque chose qui est en contradiction avec ce que nos sens peuvent prouver ainsi que qu'est-ce qui est la réalité elle-même. Hein? Donc ça c'est ce que le cheikh il dit ici. Il dit فلو أن أحدا حلف لك وقال والله إن هذه الحقيبة من خشب وهي من جلد فيجوز أن لا ترضى به لأنك قاطع بكذبه والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع. Donc ça c'est juste un point que je voulais mentionner justement juste pour que ce soit clair, pour qu'on comprenne donc qu'on doit accepter et être satisfait de quelqu'un lorsqu'il jure par Allah devant nous, lorsqu'on sait que cette personne c'est une personne qui est thiqa, hein, qui est fiable, et une personne qui est honnête, un bon musulman, un bon croyant, un bon pratiquant. Mais si c'est une personne qui n'est pas thiqa, n'est pas fiable, parce que c'est pas une personne qui prend la religion au sérieux, et qu'elle jure par Allah, dans ce cas-là, on a le droit de ne pas être satisfait. Donc ça, c'est une petite clarification qui est très importante. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le point numéro 4, le point numéro 5, on l'a mentionné aussi. Donc maintenant, on passe au prochain chapitre, dans Kitab al-Tawhid. الملخص في شرح كتاب التوحيد باب donc le chapitre 44 باب قول ما شاء الله وشئت, c'est-à-dire le chapitre au sujet du fait de dire ce que Allah et toi veulent, ce que Allah veut et toi, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on en a parlé de ça dans les chapitres précédents, parce qu'on a mentionné des hadiths qui mentionnaient et des paroles d'Abdullah ibn Abbas et d'autres qui mentionnaient cet exemple-là. Maintenant, on va en parler de façon plus spécifique. Donc le cheikh il dit وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة وأمرهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Donc le cheikh il dit que c'est rapporté selon Qutayla qu'un juif est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit vous faites le shirk, vous dites ce que Allah veut et toi, et vous dites par la Kaaba, c'est-à-dire je jure par la Kaaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné par la suite que lorsqu'ils veulent jurer, qu'ils disent plutôt par le Seigneur de la Kaaba, c'est-à-dire je jure par le Seigneur de la Kaaba, ou bien qu'ils disent ma sha Allah thumma shi'at, c'est-à-dire ce que Allah veut puis ensuite ce que tu veux. Ça c'est rapporté par An-Nasa'i et il l'a authentifié. Et en fait, il est rapporté par d'autres aussi comme An-Nasa'i, Ahmad, Al-Bayhaqi, Al-Hakim, qui l'a authentifié, et Al-Zahabi, qui a été d'accord avec lui dans cette authentification. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il dit ensuite Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid. C'est-à-dire, c'est quoi l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid. Le Cheikh il dit أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقد سبق بيان مناسبته. Donc le Cheikh il explique que la raison de ce chapitre, pourquoi il est placé dans le Kitab al-Tawhid, le Cheikh il dit que sa raison rentre dans la même raison que la raison du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre qu'on a mentionné, dans lequel on a parlé de ce sujet-là, c'est-à-dire « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا » lorsqu'on a cité ce chapitre-là, qui était le chapitre 42, dont on a parlé au dernier cours. Et la raison de ce chapitre-là, il dit c'est la même. C'est-à-dire la raison pourquoi on place ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est pour la même raison que le chapitre 42. Donc le chapitre 42, c'était quoi? Il dit أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي لتجتنب هي وما ماثلها. Donc le cheikh explique que la raison pourquoi on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que le fait de se préserver du shirk dans les paroles qu'on dit, ça fait partie de la réalisation du tawhid, même si les paroles de la personne, lorsqu'elle dit ces paroles-là, elle n'a pas eu l'intention de les dire dans son cœur, c'est-à-dire elle n'a pas eu l'intention dans son cœur de dire ces paroles-là en essayant c'est-à-dire de mettre les créatures à égalité avec Allah, mais malgré tout, yani, on voit que ce sont des termes ou des expressions qui ont été interdites parce qu'elles peuvent avoir cette signification de shirk dedans. Et donc l'auteur, il a voulu expliquer donc les dangers du shirk dans les paroles et dans les expressions qu'on mentionne. pour qu'on puisse, donc il a expliqué donc ces expressions-là, pour qu'on puisse s'en écarter, ces expressions-là et celles qui leur ressemblent. Ensuite, le cheikh il dit donc, après avoir dit ça, il dit At-Tarajum. Donc il explique qui sont les personnes mentionnées dans cette narration. Qutayla. قتيلة بضم القاف وفتح التاء مصغرا بنت صيفية الجهنية صحابية رضي الله عنها. Donc قتيلة c'est la fille de صيفية بنت صيفي Al-Juhaniya. Et c'était une sahabiya, radiallahu anha. Donc il dit, Qawlu ma sha'allahu wa shi'at. Innakum tushrikun taquluna ma sha'allahu wa shi'at. Ay, ma hukmu takallumu bi, bithalika. Ça c'est dans le titre. Ma hukmu takallum bithalika, hal yajuzu am la. وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أم لا. Donc le fait de dire ce que Allah a voulu et toi, ce que Allah veut et toi, quel est le verdict au sujet de parler de dire ce genre de paroles, est-ce que c'est permis ou non, et si ce n'est pas permis, est-ce que c'est shirk ou non. Donc il mentionne donc l'histoire que ensuite le hadith que le juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous commettez le shirk. C'est-à-dire, tushrikun, c'est-à-dire, ash-shirk al-asghar. Parce que ça fait pas partie du shirk majeur. Les exemples mentionnés font partie du shirk mineur. C'est-à-dire, ce qu'Allah a voulu et toi, ou bien par la Kaaba, des choses comme ça. Donc, ça fait partie du shirk asghar. Du shirk mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, il a donné aussi comme exemple le fait de dire ma sha Allahu wa shi'at wa hadha fihi tashrikun fi mashi'atillah. Donc le fait de dire ce que Allah a voulu et toi, ça c'est une forme d'association dans la volonté d'Allah. Donc c'est comme si on donnait à Allah un associé ou un partenaire dans sa volonté. Et il dit wa taqulun yani wal Ka'ba. Donc ils disent, et le juif a dit, et vous dites par la Kaaba, c'est-à-dire je jure par la Kaaba, et ça c'est un serment par autre que Allah, de jurer par autre que Allah. Donc le cheikh explique le sens général de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله ثم التي هي هي ثم أبي أي نعم وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله بثم التي هي للترتيب والتراخي ولتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. Donc le sens général de ce hadith c'est que ce juif a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines paroles qui font partie du shirk asghar qui se produisait de la part de certains musulmans. Puisque parfois il disait ce genre de paroles ou d'expressions qu'il a mentionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et a confirmé qu'il les considérait lui aussi comme faisant partie du shirk. Et il a donc orienté les musulmans à employer des expressions par la suite et des paroles qui sont loin du shirk, pour qu'ils jurent uniquement par Allah et pour que lorsqu'ils parlent par exemple de la volonté d'Allah et qu'ils veulent mentionner par la suite la volonté du serviteur, qu'ils n'utilisent pas un terme comme « et » qui implique une équivalence ou une égalité, mais plutôt d'utiliser ou d'employer « summa », c'est-à-dire « ensuite » ou bien « et puis ». Pour qu'on fasse comprendre qu'il y a un décalage et qu'il y a une différence de niveau et de degré ou d'ordre entre les deux, c'est-à-dire entre la volonté d'Allah et la volonté du serviteur, et pour faire comprendre que la volonté du serviteur suit et elle vient derrière la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de toute volonté, au-dessus de toute chose. Ensuite, le cheikh il dit « وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ » مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ » pour quelle occasion on mentionne ce hadith dans ce chapitre ? Il dit « أَنَّ فِيهِ بَيَانَ أَنَّ قَوْلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَئْتْ شِرْكٌ » C'est-à-dire, on veut expliquer, on veut clarifier que le fait de dire ce que Allah a voulu et toi, c'est une forme de shirk. Il y a du shirk là-dedans. Ensuite, le cheikh explique les différents points qu'on peut tirer de ce hadith. Et c'est des points, il y a 9 points. Donc, c'est un hadith qui est rempli de points bénéfiques et de choses importantes. Le premier, al-awwal, anna qawla ma sha Allah wa shi'at wal halfa bi ghayri Allah shirkun. Li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aqarra al-yahudi على اعتباره ما من الشرك. Donc il y a premièrement le fait que lorsqu'on dit ce que Allah veut et toi, ou bien lorsqu'on jure par contre qu'Allah, que ça c'est du shirk. Et la preuve de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le fait que le juif a considéré ces choses-là comme étant du shirk. Il a été d'accord avec lui et il a confirmé ce que le juif a dit. Donc ça prouve que c'est du shirk. Parce que le juif a dit innakum tushrikun, vous faites le shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit non, c'est pas vrai, on fait pas de shirk. Il a confirmé ça, puis il a corrigé ces choses-là de la part de certains d'entre les gens qui le faisaient. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 2, ثانياً معرفة اليهود بالشرك الأصغر بالشرك الأصغر. Le fait que les juifs connaissaient le shirk mineur, ils savent qu'est-ce qu'est le shirk mineur. Le point numéro 3, فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى. Donc le cheikh il dit que il mentionne la compréhension de l'homme lorsqu'il a une passion. Donc ça, c'est pas très clair ici qu'est-ce que le cheikh veut dire par là, sauf que d'après moi, ce que je pense, Allahu a'lam, qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est que le juif il a une compréhension de ce que signifie le shirk et il sait ce qu'est le shirk, mais il suit sa passion, et malgré qu'il a la connaissance et qu'il a la compréhension du shirk, eh bien il le fait quand même. Ça ne l'empêche pas de le faire. Parce qu'il est aveuglé par sa passion, il reste quand même dans le kufr. Wallahu a'lam. Donc, ça, c'est ce que je pense de qu'est-ce que ça signifie. Ensuite, le cheikh, il dit comme point numéro 4, قبول الحق ممن جاء به إذا كان عدوا مخالفا للدين وإن كان عدوًا مخالفًا للدين. Le point numéro 4, le cheikh il dit d'accepter la vérité de quiconque elle vient, de quiconque vient avec la vérité, même si cette personne est un ennemi qui nous contredit dans la religion. Donc ça, c'est un point très important. Le point numéro 5, أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. Le point numéro 5, c'est que le shirk mineur ne fait pas sortir de la religion. سادسا الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. Donc le point numéro 6, de rester loin des paroles qui viennent créer des imperfections ou des défaillances dans notre aqida, et de remplacer ces expressions-là par des expressions qui sont loin de toute shirk, de toute forme de shirk avec Allah. Le point numéro 7, أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. Donc le cheikh, il dit comme point numéro 7 que le savant, lorsqu'il interdit quelque chose, il vient clarifier l'alternative qui vient remplacer cette chose lorsque c'est possible. Le point numéro 8, أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها. Donc le cheikh, il explique que l'interdiction du shirk, elle est générale et on n'a pas le droit d'associer quoi que ce soit avec Allah, même si par exemple c'était la Kaaba qui est la maison d'Allah sur sa terre. Alors que dire d'autre que la Kaaba, hein? Donc si on n'a pas le droit d'associer avec Allah une chose honorable parmi les choses qui existent créées par Allah comme la Kaaba, alors que dire des autres choses, hein, que les gens prennent pour associer à Allah. Donc c'est encore plus haram. Et donc le cheikh explique aussi le point numéro 9, qui est le dernier point, إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله. Donc comme dernier point, c'est l'affirmation de la volonté d'Allah et l'affirmation de la volonté du serviteur, et que cette volonté du serviteur, elle vient à la suite de la volonté d'Allah, elle suit la volonté d'Allah. Hein? Donc ça, c'est un point important qui a rapport aussi avec le qadar, puisqu'il y en a des groupes, des gamins qui affirment la volonté d'Allah mais qui nient la volonté du serviteur, et il y a d'autres qui affirment la volonté du serviteur et qui nient la volonté d'Allah, hein? Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on affirme les deux, on affirme la volonté d'Allah et on affirme la volonté du serviteur, de l'être humain. Toutefois, on dit que la volonté de l'homme, elle est en dessous de la volonté d'Allah et qu'elle vient à la suite de la volonté d'Allah. Donc ça, c'est un point très très important. Ensuite, le cheikh, il dit « Walahu aydan » Donc ça, c'est un autre hadith qui est rapporté par la suite, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit « Walahu aydan » عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل بل ما شاء الله وحده. Donc le cheikh, il dit, et lui, c'est-à-dire, et il a aussi, c'est-à-dire, qui est-ce qu'il a aussi, c'est-à-dire l'imam al-Nasa'i, il l'a rapporté aussi. Également selon Ibn Abbas, qu'un homme a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que Allah a voulu et toi. Ou ce que Allah veut et toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as fait de moi un égal avec Allah? Dis ce que Allah a voulu lui seul. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et l'a corrigé d'avoir dit ça. Et c'est rapporté donc par An-Nasa'i et par l'imam Ahmad également. Donc walahu ay An-Nasa'i. Donc c'est An-Nasa'i qui a rapporté ce hadith. Et donc aj'altani, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aj'altani lillahi niddan, Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose cette question là dans le but de critiquer et réprimander et condamner la parole de la personne. Est-ce que tu as fait de moi un partenaire ou un égal avec Allah? Aj'altani niddan. Aj'altani lillahi niddan. Hein? Donc il le réprimande, il lui pose cette question là pas pour qu'il lui donne une réponse nécessairement, mais pour lui faire comprendre que ce qu'il vient de dire, c'est très dangereux, c'est très grave. Hein? Est-ce que tu essaies de me mettre à égalité avec Allah? Et donc le cheikh explique le sens général du hadith. Il dit Ankara sallallahu alayhi wa sallam ala man atafa mashi'at ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ala mashi'atillah bil waw. لما يقتضيه هذا العطف من التسوية بين الله وبين المخلوق واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله ثم أسند المشيئة إلى الله وحده. Le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné et a dénoncé la personne qui a voulu associer la volonté du messager sallallahu alayhi wa sallam à la volonté d'Allah en utilisant le waouh. Et pourquoi? Parce que ça implique ce waouh, ça implique une certaine équivalence ou égalité entre Allah et entre la créature. Et donc il a considéré que ça c'était comme de donner ou de prendre un partenaire et de donner à Allah un partenaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Bal ma sha'allahu wahdahu ». Il dit, il a ensuite attribué la volonté à Allah lui seul, hein, pour éliminer toutes sortes d'équivalence ou d'égalité. Ensuite, le cheikh, il dit « Munasabatul hadith lilbab anna qawla ma sha'allahu wa shi'at ». وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc la raison pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la personne dit ما شاء الله وشئت, ce que Allah a voulu et toi, ou des paroles qui ressemblent à cette expression-là, hein? Et donc ça c'est comme si on avait donné un égal à Allah, hein? Et ça c'est interdit, bien entendu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de donner un nid à Allah ou des andad à Allah, c'est-à-dire de donner des équivalences ou des égaux ou des semblables à Allah. Puisque Allah dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 22, ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Et le cheikh explique maintenant les points qui peuvent être tirés de ce hadith. Il y en a quatre. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن قول ما شاء الله وشئت وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو وما أشبه ذلك. Donc le cheikh, il dit que premièrement, il y a l'interdiction de dire ما شاء الله وشئت, ce que Allah a voulu et toi, et d'autres, ainsi que d'autres paroles qui ressemblent à cette parole, puisque ça implique de qu'on met la volonté du serviteur à égalité avec la volonté d'Allah en utilisant le waou, c'est-à-dire en utilisant le waou qui signifie et, ou bien des choses semblables. Le cheikh dit aussi, il dit ensuite comme point numéro 2, ثانيًا أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. Donc le cheikh, il dit que celui, comme point numéro 2, il dit celui qui met le serviteur ou l'être humain à égalité avec Allah, même si ça c'est seulement dans une forme de shirk asghar, il a quand même pris cette personne-là comme un nid avec Allah, c'est-à-dire comme un égal avec Allah, même si c'est un shirk asghar. comme point numéro 3, inkarul munkar. Il y a donc dans ce hadith la preuve qu'il faut condamner le mal. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, ou dit quelque chose qui est mauvais, contraire à la vérité, il faut corriger ce mal. Et le point numéro 4, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad hama hima at-tawhid wa sadda turuq ash-shirk. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a préservé les contours du tawhid et les barrières du tawhid, et il a fermé les portes et les chemins qui mènent vers le shirk. Et ça c'est un des exemples, hein, que même si c'est pas quelque chose qui est shirk akbar, il a quand même interdit de le dire, puisque c'est quelque chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk akbar. Donc ça c'est l'exemple. Ensuite il y a la mention d'un hadith qui est un hadith plus long. Donc on va lire ensemble, inshallah. Et c'est le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Le cheikh il dit وَلِبْنِ مَاجَ عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَ لِأُمِّهَا قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Donc ça c'est rapporté selon Ibn Majah et Ahmad. Le hadith donc Il est rapporté selon At-Tufayl, le demi-frère de Aïcha, radiyallahu anha, par sa mère. Il dit, j'ai vu dans mon rêve, comme si j'arrivais à un groupe de juifs. Et je leur dis, yani, vous êtes un très bon peuple, sauf, excepté que vous dites que Uzair est le fils d'Allah. Et eux, les juifs, ont répondu, et vous êtes un très bon peuple, sauf seulement que vous dites ce que Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Puis, il est passé par la suite par un groupe de chrétiens. Puis, il leur a dit, vous êtes un très bon peuple, vous êtes des gens très bien, si seulement vous ne disiez pas, le Messie est le fils d'Allah. Le Messie est le fils d'Allah. Ils ont répondu, ils ont dit, et vous êtes aussi un peuple très bien, des gens très bien, si seulement vous ne disiez pas ce que Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Alors, quand il s'est réveillé, il a informé certaines personnes à ce sujet. Il a dit ce rêve à certaines personnes. Ensuite, il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qu'il avait vu dans son rêve. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Tufail, est-ce que tu l'as dit à quelqu'un, c'est-à-dire est-ce que tu en as parlé à quelqu'un de ce rêve? Il a répondu oui. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a glorifié Allah, hein, il a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a dit ensuite, Tufail a vu un rêve, et dans son rêve, il a vu quelque chose dans son rêve, et il en a informé certains d'entre vous. Et vous dites donc une parole, et il y avait telle ou telle chose qui m'empêchait de vous l'interdire auparavant, alors ne dites pas ce que Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu, plutôt dites ce que Allah veut lui seulement. C'est-à-dire ce que Allah a voulu lui seul. Et donc ça c'est le hadith. Maintenant le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit At-Tarajum, c'est-à-dire il explique les personnes mentionnées dans le hadith. Premièrement At-Tufail, wa huwa At-Tufail ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Sakhbara al-Azdiyu صحابي رضي الله عنه وليس له إلا هذا الحديث. Donc الطفيل ابن عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة. سخبرة c'est الأزدي. C'est un صحابي رضي الله عنه. Et comme on le dit dans l'introduction du hadith, c'est le frère de Aïcha par sa mère. Donc c'est le demi-frère de Aïcha رضي الله عنهما. C'est un sahabi et il n'a rapporté aucun autre hadith que celui-ci. Donc c'est le seul hadith qu'il a rapporté. Donc il mentionne qu'il est passé par un groupe nafar, ala nafar. Al-nafar huwa ruhdun, ruhdul insan wa ashiratuhu ismu jam'in yaqa'u ala rijal khassatan. Donc al-nafar c'est un petit groupe de personnes, des gens proches de quelqu'un. Et c'est un nom qu'on utilise ou qu'on emploie en particulier pour des hommes. Un nafar, c'est un petit groupe de personnes, un petit groupe d'hommes. La antumul qawm, donc c'est ce qu'ils ont dit. La antumul qawm est ni'mal qawm antum. Ça veut dire comme vous êtes un bon peuple, comme vous êtes des gens bien. Donc c'est ça qu'il disait. Puis là, il dit law la annakum taquluna Uzair ibn Allah. Si seulement vous ne disiez pas que Uzair est le fils d'Allah. Ay laula ma antum alayhi min ash-shirk binisbati al-walad ila Allah. Wa hadha li anna Uzairan kana yahfaz at-Tawrah 'an dhahri qalbin fa qalu fihi hadhihi al-maqala wa qila li annahu nabi. Donc il disait que Uzair était le fils d'Allah. Et le cheikh il dit donc, ça veut dire que si seulement vous n'étiez pas sur le shirk, sur lequel vous êtes en attribuant à Allah un fils, parce que Uzair était quelqu'un qui avait mémorisé la Torah par cœur. Et d'autres ont dit également qu'il était un prophète, parce qu'il était un prophète. Et il dit, « Wataquluna » c'est-à-dire, eux ils ont répondu, « Wataquluna ma sha Allah wa sha Muhammad » عرضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر. Donc ils ont voulu répondre pour s'obstiner, pour s'opposer à la vérité du shirk qu'on venait de leur mentionner qu'ils ont en disant ou en mentionnant quelque chose qui fait partie de ce que certains d'entre les musulmans pouvaient faire parfois comme shirk mineur. Ils disent, vous dites ce que Allah a voulu et ce qu'a voulu Mohammed. Donc, il dit donc, ensuite, il a rencontré les chrétiens et il leur a dit, Taqulun al-Masih ibn Allah. Al-Masih, Isa ibn Maryam alayhi salam, ibn Allah, fatushrikuna billahi binisbatil walad ilayh. Wa innama qalu hadha fi Isa li'annahu. Min ummin bila ab. Donc il leur a dit la même parole que qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs. Il a dit, vous êtes des gens très bien si seulement vous ne disiez pas que le Messie est le fils d'Allah. Le Messie, Al-Masih, c'est Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et le fils d'Allah, c'est-à-dire ils font le shirk avec Allah en lui attribuant un fils. Et ils le disent parce que Isa, alayhi salam, avait une mère, mais il n'avait pas de père. Donc, ils attribuent cet enfant ou cette personne à Allah comme étant son fils à cause de ça. Hein? Donc, ça, c'est parmi les égarements des chrétiens et des juifs. Le cheikh, il dit ensuite donc que Tufail a dit ça à certaines personnes, puis il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Il a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté, hein, sur, probablement sur le minbar où il s'est levé, il a dit, il a fait la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, Hamid Allah wa asna alayhi, alhamdu huwa as-sana'u ala al-jamil al-ikhtiyari min al-in'am wa ghayrihi. والثناء هو تكرار المحامد. Donc الحمد c'est quoi? Donc il a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a glorifié Allah واثنى عليه, il a fait ses éloges. Et donc qu'est-ce que ça veut dire الحمد? Il dit c'est الثناء على الجميل, c'est-à-dire de faire la glorification pour les belles qualités qui sont volontaire qu'une personne fait comme grâce ou nous donne comme grâce ou autre parmi les bonnes choses que quelqu'un possède. Ça c'est Alhamd. Et Asana, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'énumérer et de répéter les glorifications. C'est ça que ça veut dire Asana. Ok, ensuite le cheikh dit وكان يمنعني كذا وكذا وهو الحياء كما في الرواية الأخرى لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها. Donc il dit il y a quelque chose, il y a rien qui m'empêchait de vous l'interdire excepté telle ou telle chose. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, la chose qui l'a empêché de l'interdire, c'est la pudeur, la gêne, comme c'est mentionné dans une autre narration. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas été ordonné de l'interdire ou de condamner cette parole encore. Le cheikh, il dit ensuite, Al-Ma'na al-Ijmali lil-Hadith, le sens général de ce hadith. يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك فعرضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم وعندما أصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. Donc le sens général de ce hadith c'est que Tufail, il nous informe ou il informe qu'il a vu un rêve. Et dans son rêve, il a vu qu'il était passé près d'un groupe parmi les gens des deux religions, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Et il les a condamnés pour ce qu'ils avaient comme shirk, d'attribution d'un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et exalté de ce genre de choses. Donc, ils se sont objectés à ce que Abtoufail a dit, en mentionnant ce que certains d'entre les musulmans ont comme forme de shirk mineur dans certaines de leurs paroles. Et donc, lorsqu'il s'est réveillé, il a mentionné ce rêve, et il l'a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dénoncé et condamné cette parole devant tout le monde. il a dénoncé donc cette parole de shirk. Et il a ordonné aux gens de prononcer des paroles qui sont exemptes et purifiées de toute forme de shirk. Munasabatul hadith lil bab. Pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? Le shaykh il dit annahu afada an at-talaffuz bi ma sha'a Allah wa sha'at ou ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad wa ma ashbahaha min al-alfaz shirk asghar kama sabaq. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est que ce hadith il prouve que de dire ce que Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu et des paroles de ce genre font partie des paroles qui sont des formes de shirk mineur, comme on l'a expliqué précédemment. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Le shaykh il dit أولاً الْإِعْتِنَاءُ بِالرُّؤْيَا وَأَنَّهَا سَبَبٌ لِتَشْرِيعِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَقْتَ حَيَاتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc, premièrement, de prendre en considération les rêves, les visions, et qu'elles sont parfois les causes de la révélation de certaines règles au moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme les soufis qui, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, continuent à essayer d'établir des règles dans la religion en se basant sur des rêves. Et parfois même ils vont essayer d'utiliser ce genre de hadith pour essayer de justifier le fait qu'ils se basent sur des rêves, et ça c'est pas permis, puisque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion elle est complétée et on peut rien ajouter. Mais durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la même chose, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore là et il y avait encore des révélations qui étaient révélées jusqu'à sa mort. Donc c'est pas pareil, c'est pas comparable. Et naam, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit al-yawmu akmaltu lakum al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc on peut plus rajouter quoi que ce soit comme règle à l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un vient avec un rêve et il dit j'ai vu telle ou telle chose dans un rêve, et dans un rêve on m'a dit de faire telle ou telle affaire, et que ça vient pas dans le Coran ni dans la Sunna, alors cette chose là c'est clair que c'est un mensonge et que c'est une chose qui est innovée et ajoutée et inventée dans la religion d'Allah. Le point numéro 2, anna qawla ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك شرك أصغر. Donc le fait de dire ce que Allah a voulu et ce qu'un tel a voulu, ça c'est des formes de paroles qui sont des formes de shirk. Cette parole là ou toute autre qui lui ressemble sont des formes de shirk mineur. Le point numéro 3, معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليهم من الشرك الأكبر من أجل الطعن بالمسلمين. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 3, et ça c'est un point qui est vraiment clair et en même temps qui nous fait réfléchir aussi en même temps. Le fait que les juifs et les chrétiens connaissent le shirk asghar, et malgré qu'ils connaissent le shirk asghar, c'est-à-dire ils connaissent le shirk asrar malgré qu'eux-mêmes sont en train de commettre des formes de shirk akbar, des formes de shirk majeur, mais ils mentionnent le shirk mineur. Pourquoi? Pour essayer d'attaquer les musulmans. Donc eux on est en train de leur mentionner des formes de shirk majeur qu'ils sont en train de faire, et eux ils s'objectent en mentionnant des formes de shirk mineur qui sont présentes chez certains musulmans, qui étaient présentes chez certains musulmans. Donc ça c'est l'attitude des chrétiens et des juifs aujourd'hui. Même encore aujourd'hui ils sont comme ça. Tu leur dis vous adorez d'autres avec Allah, vous associez des êtres, des créatures avec Allah, et puis eux ils te répondent oui mais vous les musulmans vous faites ci, vous faites ça, parmi les péchés. Assalallahu al-afiyah. C'est sûr que toute désobéissance à Allah, c'est mauvais, c'est grave. Mais il y a des formes de péché et des choses qui sont plus graves que d'autres, comme le shirk, et en particulier le shirk majeur, qui est le péché que Allah ne pardonnera à personne. Le point numéro 4. تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب وقول أما بعد فيها. Le Cheikh il explique comme point numéro 4 le fait de commencer par la glorification d'Allah et l'éloge d'Allah durant les khutab, dans les discours, et également le fait de dire Amma ba'd, de dire et ensuite. Donc ça fait partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le point numéro 5, et c'est le dernier point, استحباب قصر المشيئة على الله وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. Donc le cheikh il dit le fait qu'il est recommandé et que c'est quelque chose de meilleur de limiter la volonté à Allah seul, donc de dire ما شاء الله وحده, même s'il est permis de dire ما شاء الله puis ما شاء فلان ou ensuite ما شاء فلان. Donc on a le droit de dire ce que Allah a voulu et ensuite un tel. Malgré que ça c'est permis, c'est encore mieux de dire ce que Allah a voulu lui seul et de limiter la question de la volonté à Allah seul. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis bi'idhnillah, on va continuer ce cours donc au prochain dimanche prochain inshallah. Et le cours qu'on va commencer le cours prochain, le chapitre 45, c'est babun man sabba ad-dahr faqad adha Allah donc celui qui insulte le temps, il a fait une offense à Allah. Donc ça, ce sera le cours 56 la semaine prochaine, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.